Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Bouliane, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. On va parler de golf avec notre ami Sébastien Marceau. On rappelle que cette chronique est une commandite de BR Metal. Salut Sébastien. Salut Danny. Et Sébastien, qu'est-ce qui se passe au club de golf de Dolbeau-Mistassini? Ben, il y a eu tout d'abord l'Omnium Saint-Prime Dolbeau, que ça a bien été encore une fois. Oui, c'était très bien. On a eu une bonne participation encore. On était 80, donc une belle participation. 80 personnes. On était 41 de Dolbeau, 39 de Saint-Prime. C'était une belle compétition. Okay. Le seul désavantage qu'on a eu, c'est qu'il y a eu une grosse pluie diluvienne à Saint-Prime et on n'a pas pu jouer le samedi à Saint-Prime. Donc, c'était une journée au lieu de deux. OK. Donc, ça a quand même bien été. À part ça, qu'est-ce qui se passe de bon? On a eu un beau, au Dolbeau Saint-Prime, on a eu un beau trou d'un coup encore. Mon homme Moreau qui a fait son premier trou d'un coup à vie au club de golf de Dolbeau, trou numéro 2. OK. Pendant le tournoi. OK, c'est bon, pareil. OK. Oui, c'est sûr. Un très beau trou d'un coup. Après ça, en fin de semaine, on a le championnat de club avec Saint-Prime encore. Ça fait qu'on a encore une compétition de deux jours. Première journée, on commence à Dolbeau et on finit à Saint-Prime, qui est une commandite de Saint-Hubert Express. C'est notre commandite, le lunch de dimanche. OK. Autre chose à mentionner, peut-être, aussi? D'autres choses à mentionner prochainement. On s'en va pour les prochaines semaines. La prochaine fin de semaine, ça va être plus pour les membres. Il n'y a pas de tournoi qui arrive. Avant l'Omnium Jean Lemieux, qui va être le 12 de septembre. Avant ça, il n'y a pas grand-chose. L'Omnium Jean Lemieux, ça existe encore, oui? Jean Lemieux, il n'existe pas. Cette année, à cause de la COVID, tous les tournois qui avaient bénéficié, les tournois qu'on avait, sont tous bloqués. On n'est pas capable d'en faire aucun. OK, à cause de ça, ouais, c'est vrai. C'est littéralement comme 250 et plus. Fait que... C'est, t'as tout compris! Ouais, c'est ça. Fait qu'on n'est pas capable, de rentrer le monde, quand même qu'on voudrait, là. Commencer à faire de la police, Danny, là. Ouais, je pense qu'il n'y a personne qui veut faire ça. Non, c'est vrai, je suis bien d'accord avec mets toi. Mets ton masque, enlève ton masque. Moi, ça ne me tente pas, toi, ça ne te tenterait pas, ben c'est ça. Non, exactement, non, je suis bien d'accord avec ça. Pour cette année, ça va être une saison de même. Les promotions qu'on a, c'est encore les mêmes. On n'a pas vraiment de nouvelles promotions pour l'instant. On a les jeudis soirs que c'est en spécial. On a les mercredis soirs aussi. On a encore la Ligue du COVID qui est seulement 15$ pour jouer au golf avec un panier gratuit. Donc, qui vaut vraiment la peine. Ça te coûte avoir une pièce par trou pour jouer. Okay. C'est vraiment une belle promotion. Bon. Les autres choses, vraiment, il n'y a pas vraiment d'autres choses qui vont se passer. C'est en fin de semaine à part du Dolbeau Saint-Prime, chambre de club. On rappelle que cette commandite est une commandite du club de golf et de BR Metal. Donc, ça parle la semaine prochaine, Sébastien? Pas de problème, on va te parler du championnat de club. Sébastien Marceau, qui est un des responsables du club de golf de Dolbeau-Mistassini.